quels sont les exemples d'organisations totalitaires que l'on pourrait donner? Est-ce qu'un club de football, c'est une organisation totalitaire ou pas? Une université, est-ce que c'est une organisation totalitaire ou pas? Peut-être mieux si elle était totalitaire. Une prison? Une multinationale? Facebook? Google? D'autres suggestions? Et c'est bien une organisation. Alors, avec aussi peut-être une réflexion que l'on devrait avoir sur la tension entre État et organisation, parce que Daesh, on peut le considérer peut-être comme une organisation. On peut aussi le considérer comme étant un État. Or ici, on est vraiment dans une logique de réflexion sur les organisations. Donc, une organisation, un État dépasse, si vous voulez, la dimension organisation. Un État, pour le dire autrement, se compose d'un nombre plus ou moins important d'organisations. La Chambre, c'est une organisation, le Sénat, c'est une organisation, et puis vous avez l'État. Oui. L'armée, peut-être. Alors, une hypothèse, ou c'est un exemple qui est souvent avancé. Mais il faut pouvoir argumenter. Si vous dites ça à un général, etc., sais pas s'il serait très content. Du cas belge, je saurais pas vous dire, mais sur l'armée brésilienne, en tout cas, je trouve assez totalitaire parce que ils ont un tribunal interne, et donc si n'importe quel individu qui fait partie de cette organisation commet un crime, il n'est pas jugé comme un citoyen ordinaire, il est jugé comme quelqu'un de l'armée. Et même la police, en fait, la police est aussi militaire. C'est pas lié à l'armée, mais ça c'est une organisation militaire. Et on est en train de discuter, justement, il y a beaucoup de gens là-bas qui protestent pour avoir la démilitarisation de la police. Et donc, pour moi, oui, c'est des organisations totalitaires. Donc, sur base de ce que vous dites, on comprend la raison par rapport auquel vous avez avancé cette possibilité. Je dis, voilà, l'armée brésilienne, donc il faudrait sans doute aller un peu plus loin dans la réflexion. La mettre aussi, c'est intéressant, c'est la mettre en parallèle par rapport à ce qu'est l'armée belge. Moi, je réagissais plus peut-être par rapport à ce qu'est l'armée belge. Est-ce que notre armée est une organisation totalitaire? Je ne pense pas. Il y a de la discipline, il y a de l'autorité, mais de là à dire que c'est totalitaire, je ne pense pas. Si vous voulez, les exemples qui sont avancés par la littérature d'organisations totalitaires, les plus totalitaires, et c'est les organisations sur lesquelles Crozier et Pépec ont bâti leur réflexion, c'est les camps de concentration, les camps d'extermination portés par le régime nazi. On peut aussi étendre ça au Goulag, porté par l'ancienne Union soviétique. Donc, les régimes dictatoriaux ont souvent ou développent des organisations qui sont dictatoriales ou totalitaires. Ça va souvent de pair. Il faut empêcher, il faut priver les gens de liberté, il faut empêcher les gens de penser autrement que ce que le régime ne souhaite qu'ils pensent. Donc, il y a là quelque chose d'important. Et ce que disent Crozier-Friedberg, c'est que quand on s'intéresse au fonctionnement de ces camps de concentration, de ces camps d'extermination, quand on s'intéresse aux témoignages des gens qui ont survécu à ces épreuves, eh bien, on constate, disent-ils, que ce minimum de liberté est toujours présent. Et que dans les témoignages des survivants, souvent apparaît ce refus de perdre sa dignité humaine ou de perdre sa dimension humaine. Donc il y a un combat, si vous voulez, quotidien, un combat intérieur qui a été mené par ces gens pour que, à leurs yeux, malgré toutes les épreuves auxquelles ils sont confrontés, eh bien, ils continuent à se considérer comme des êtres humains. Voilà, donc c'est... Et au pire, quelque part, c'est dans les universités, dans les univers concentrationnaires, c'est garder sa liberté de penser, construire des protections pour conserver cette liberté de penser. La littérature en sciences humaines s'est aussi beaucoup appuyée sur les asiles, donc l'asile comme étant un exemple d'organisation totalitaire. Mais c'était les institutions psychiatriques des années 50, des années 60, et là aussi il y a pas mal de choses qui ont évolué entre l'asile tel qu'il était dans les années 50-60 et l'asile tel qu'il est aujourd'hui. Mais souvent, donc l'organisation totalitaire se caractérise par cette volonté d'empêcher les individus de penser librement. Les sectes sont souvent des exemples qui sont repris comme étant des organisations totalitaires et qui utilisent toute une série de techniques, telles la privation de sommeil, par exemple, ou empêcher les gens de réellement penser. une organisation totalitaire renvoie souvent à des rites très importants. Des rites qui symbolisent en quelque sorte la perte de subjectivité, la perte d'humanité. Les vêtements de bagnard, les vêtements de détenus, c'est quitter ses habits civils pour endosser les habits du pénitencier, eh bien, c'est un acte symbolique fort de déshumanisation. Couper les cheveux, raser les jambes, c'est aussi un acte de déshumanisation fort. Tatouer un numéro sur le bras de quelqu'un, c'est aussi un acte de déshumanisation très fort. Cette personne disparaît en tant que nom, prénom, elle devient un numéro. C'est le numéro qui est scandé. Et donc, plus on s'écarte, si vous voulez, de ces rites, plus on s'écarte de cette volonté de soumettre l'individu, de priver l'individu de liberté, au plus les organisations sont démocratiques, sont participatives. Une université peut être considérée comme, a priori, une forme d'organisation relativement démocratique, relativement partie. Alors, la réflexion de Crozier-Friedberg consiste à dire que si on parvient à démontrer que dans les univers les plus totalitaires, il existe toujours ce minimum de liberté, et donc ces relations de pouvoir, plus on s'écarte de ces organisations, plus on va vers des organisations qui sont démocratiques, participatives, plus cette liberté devient importante. Alors, le pouvoir, donc on a vu les trois grands postulats sur lesquels se fonde Friedberg, et donc la manière dont ils définissent le pouvoir, c'est dire finalement, le pouvoir, c'est une relation. C'est une relation qui unit deux ou plusieurs acteurs. Dans la définition de base, c'est deux acteurs, A et B, mais ça pourrait être beaucoup plus. Et disent-ils, en s'appuyant sur les réflexions de politologues, de politistes de l'époque, le pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose à quelqu'un. Donc le pouvoir que j'ai sur vous, c'est la capacité que j'ai à vous faire quelque chose. Le pouvoir que vous avez sur moi, c'est votre capacité à me faire quelque chose. Donc c'est une définition, le pouvoir n'est pas un terme sulfureux, si vous voulez, c'est du relationnel. Alors ce qui est important à préciser, c'est que cette relation, elle implique une interdépendance. Donc A et B sont interdépendants l'un de l'autre. Interdépendance, c'est quoi ? Eh bien, c'est avoir besoin de l'autre. Je suis dépendant de vous pour donner cours. Vous êtes dépendant de moi par rapport à votre niveau. Donc, c'est pas le pouvoir, c'est pas être en relation, mais c'est être dépendant de l'autre. J'ai besoin de l'autre pour obtenir quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose qui se réalise. Si on se croise sur l'avenue Égée et qu'on se dit bonjour, on est dans une relation humaine, on n'est pas dans une relation de pouvoir. D'accord ? Du moins, quand vous aurez réussi l'examen. Alors, ce qui est important à préciser, c'est que A et B disposent toujours de ressources en pouvoir. Donc les deux acteurs présents disposent de ressources. Et donc, comme ils disposent chacun de ressources, l'acceptation de B, eh bien, peut être marchandée. Donc demande à B de faire quelque chose. Comme B dispose de ressources en pouvoir, il peut marchander, il peut négocier. J'accepte de faire ce que tu me demandes en échange de. Où je trouve que tu m'en demandes un peu beaucoup, je veux bien faire certaines choses, mais pas tout. C'est du marchandage, c'est de la négociation. Et disposer Friedberg, le marchandage et la négociation sont excessivement présents dans les organisations contemporaines, dans les organisations contemporaines et démocratiques. Donc si A demande à B de faire quelque chose, B peut le faire. C'est la première hypothèse. Je vous demande de faire quelque chose, vous allez le faire. Vous pouvez aussi refuser. C'est la deuxième possibilité. Donc si vous refusez, on va sans doute entrer dans une relation conflictuelle. Et puis la troisième possibilité, c'est que vous allez marchander, vous allez négocier. Et puis, on pourra mettre une quatrième possibilité en évidence, c'est que vous allez dire oui. Donc, vous allez accepter de faire ce que je vous demande de faire, mais est-ce que vous allez le faire? On peut très bien imaginer que ce soit un oui de passage, mais que vous ne fassiez jamais ce que je vous demande de faire. Et vous avez accepté de faire. Donc, dans la relation entre A et B, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, l'acceptation, la négociation, le refus, l'acceptation, mais de façade, c'est les quatre grands scénarios que vous pouvez mettre en évidence. Alors, l'organisation Discosier et Friedberg structure les relations de pouvoir. Et comment elle structure la relation de pouvoir? Eh bien, elle le fait en distribuant des ressources. Et ces ressources, dans nos sociétés, sont distribuées de manière inégale. Certains acteurs ont beaucoup plus de ressources que d'autres acteurs. Si je prends l'exemple d'une entreprise, eh bien, le patron peut licencier un employé, mais est-ce que l'employé ou les employés ont la possibilité de licencier leur patron? Donc, les ressources en pouvoir sont distribuées de manière très asymétrique. Certains en ont beaucoup, d'autres en ont beaucoup. Plus on est élevé, si vous voulez, dans la hiérarchie, plus, en quelque sorte, on a à notre disposition des ressources formelles en pouvoir. Alors, quelles sont les ressources formelles en pouvoir dont je dispose par rapport à vous? Donc, quelles sont les ressources que l'organisation m'octroie et qui sont des ressources qui jouent un rôle très important dans la structuration de la relation de pouvoir qui est à l'œuvre ici? Si vous nous demandez de faire un travail et que quelqu'un ne le rend pas, par exemple, vous pouvez comptabiliser les fautes, enfin le manque de. Ben, disons, ici en l'occurrence, je ne vais pas vous demander de faire un travail, mais c'est vrai que c'est une ressource, on pourrait imaginer que je le fasse. Mais en dehors de. D'un travail ou d'un exposé, quelle est vraiment la ressource sans doute la plus importante, la ressource en pouvoir la plus importante que je contrôle par rapport à vous? L'examen, c'est l'examen qui s'appelle examen. Alors, les jeux peuvent se structurer autour des questions. On peut faire des questions simples, des questions compliquées, des questions alambiquées, des questions claires. On peut coter plus ou moins sévèrement. Et puis, une fois qu'on a fait cet exercice d'évaluer, il y a une ressource importante aussi qui se joue, c'est la délibération. Donc la délibération était, c'est de moins en moins le cas, mais était un moment très important, parce que c'est de moins en moins le cas, mais avant, on pouvait plaider pour faire réussir un étudiant. Un étudiant qui avait un problème, tu peux facilement travailler pour plaider en sa faveur. Ou un étudiant qui avait une moyenne de distinction, on pouvait éventuellement lui rajouter quelques points pour qu'il ait une moyenne plus belle. Aujourd'hui, c'est de plus en plus bureaucratisé. Donc il y a des règles et on applique les règles. Et c'est l'ordinateur qui occupe une place très importante, puisque c'est à travers l'ordinateur que les moyennes sont calculées, qu'il y a des classements qui sont faits, et qu'on repère les étudiants qui peuvent passer, les étudiants qui échouent. Voilà. Quelles sont les ressources? Est-ce que vous disposez? Est-ce que l'organisation vous octroie des ressources formelles en pouvoir? Effectivement, l'évaluation des enseignements. On peut en discuter, parce que vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a X années d'ici, ça n'existait pas. Donc vous n'aviez pas cette possibilité. Alors maintenant, cette possibilité existe. C'est clair que son poids est moins important que le poids qu'a l'enseignant à travers la maîtrise de l'évaluation. Mais c'est une ressource en pouvoir que vous avez. Hein. C'est une ressource formelle. C'est-à-dire que dans les textes, il est dit que vous êtes invité à évaluer vos enseignants et que c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous disposez d'autres ressources formelles en pouvoir? Oui. Alors, à mon avis, c'est pas une ressource formelle. Non. Parce que à ma connaissance, je ne vois pas l'article du règlement qui dit que les étudiants ont le droit de chahuter. Donc c'est une ressource. En fait, c'est une distinction importante hein, par rapport aux analyses qui sont faites des organisations et de la gestion du personnel aussi. C'est la différence entre ce qui relève du formel et ce qui relève de l'informel. Le formel renvoie en gros à la règle, renvoie en gros à ce qui a été écrit, formalisé. Et l'informel renvoie à la manière dont les choses se passent concrètement, réellement. Et donc, boycotter, de fait, c'est une ressource informelle dont vous disposez. Ne pas répondre aux sollicitations que je vous fais, c'est une ressource, on peut considérer ça comme étant l'expression d'une ressource informelle en pouvoir dont vous disposez. Il y a peut-être autre chose, mais c'est peut-être une volonté de ne pas entrer dans un processus participatif ou de ne pas entrer dans l'échange, de ne pas vouloir entrer dans. Avec les nouvelles technologies, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure Facebook n'est pas aussi une ressource informelle en pouvoir pour les étudiants qui disposent d'un ordinateur portable. Voilà, une ressource mobilisable dans un groupe. Mais c'est clair, vous avez des ressources en pouvoir, j'en ai. Il est important de faire la distinction entre les ressources formelles et les ressources informelles. C'est un grand classique en théorie des organisations. Et ici, j'ai repris quelques ressources formelles qui existent, qui peuvent exister dans le cadre d'une relation de travail. Étant entendu, je reviendrai là-dessus vraisemblablement dans un prochain cours. C'est que, en règle générale, quand on parle de ressources, de gestion de ressources humaines, ça renvoie à l'existence d'un contrat de travail. Il y a un lien qui doit exister entre l'employeur et l'employé. Et ça passe de manière importante dans nos sociétés par ce qu'on appelle le contrat de travail. Il n'y a pas que ça, mais c'est un fondement, un pilier très important. Et donc ici, j'ai repris deux articles d'un contrat de travail qui renvoient à la distribution de ressources en pouvoir, de ressources formelles en pouvoir. Et donc la première ressource, on va dire que c'est une ressource positive, dans le sens où elle renvoie au fait que l'employeur peut, à sa discrétion absolue, et à tout moment, payer des primes et des autres gratifications. Donc si je le décide en tant qu'employeur, je peux vous attribuer maintenant une prime. Quand vous participez beaucoup, vous avez droit à la prime liée à la participation. Mais vous voyez la manière dont c'est libellé. C'est un acte qui renvoie à ce qu'on a appelé précédemment l'arbitraire de l'employeur. Je peux décider de le faire ou de ne pas le faire. C'est laissé à ma discrétion absolue. Donc il y a une dimension qui est quand même très arbitraire. Et en plus, dit cet article, si je vous donne aujourd'hui une prime, eh bien, ça ne crée aucune obligation contractuelle. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je vous donne une prime que demain je devrais vous donner également une prime. Donc il y a là une ressource en pouvoir qui est quand même très importante et qui renvoie, si vous voulez, à ce qui est appelé la discrétion absolue de l'employeur. Alors, autre exemple, les sanctions. Vous voyez à la fin de l'article, on a une gradation des sanctions qui peuvent être prises. Donc, ça peut être le blâme, pardon, ça peut être l'avertissement oral ou écrit, le blâme, l'amende, une note dans le dossier du travailleur, une mise à pied, un changement de fonction, etc. Donc, là encore, on voit l'attribution à l'employeur d'une ressource formelle en pouvoir. D'accord. Et donc, on pourrait continuer, si vous voulez, à faire le tour de ces ressources formelles. On pourrait aussi lister les ressources informelles en pouvoir. La grève, c'est une ressource formelle. Ce week-end, des employés de Deleuze ont fait grève. C'était une grève surprise, donc apparemment sans préavis. Et donc là, on était plus dans la mobilisation d'une ressource informelle. Elle était mobilisée en dehors des règles. Alors, Crozier-Friedberg parle aussi en termes de zone d'incertitude, pertinente. Les ZIP, zone d'incertitude pertinente. Et c'est quoi une zone d'incertitude pertinente? Bien, c'est quelque chose que l'acteur contrôle et qui a une influence forte sur l'organisation. Elle est pertinente parce que ce que l'acteur contrôle impacte l'organisation. Je vais prendre un exemple. Voilà. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat, j'ai rencontré des ouvriers sidérurgistes. Et ce qu'il me disait, c'est que c'était à Liège, hein, donc il y avait un sentiment de fierté ouvrière, d'appartenance fière à un monde ouvrier. Et ce qu'il disait, c'est que il ne s'en laissait pas compris, il ne se laissait pas faire par les ingénieurs. Et que lorsqu'un ingénieur les avait un peu embêtés, eh bien, il n'hésitait pas à créer des incidents, à créer des incidents techniques. Et disent-ils, c'était dans les années 60, début des années 70, lorsque la machine tombait en panne et que l'ingénieur venait, c'était la parole de l'ouvrier contre la parole de l'ingénieur. L'ingénieur questionnait l'ouvrier et l'ouvrier disait que c'était la machine qui s'était mise en d'elle-même en route, que c'était la machine qui s'était emballée et il n'y avait pas moyen de vérifier, il n'y avait pas d'information. Donc ça, c'est bien une zone d'incertitude pertinente que contrôle l'ouvrier. L'ouvrier contrôle la machine et l'ouvrier peut dire ce qui l'arrange. Donc il peut inventer une histoire, en quelque sorte. Alors, me disent ces ouvriers, il y a eu la révolution de l'informatique, il y a eu la révolution des technologies, l'information et la communication. Et sur les outils sidérurgiques, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, cette révolution s'est traduite par le placement de capteurs. Donc il y a des capteurs qui ont été installés sur les outils. Et que fait le capteur? Eh bien, il enregistre les informations. Il enregistre toutes les interventions qui sont liées à des manipulations par les ouvriers. Et surtout, il stocke cette information. Donc, le capteur est un espion, si vous voulez, en quelque sorte, ou peut-être qualifié d'espion, dans le sens où il enregistre toute une série d'informations, toute une série de paramètres, dont les interventions des ouvriers. Donc si vous appuyez sur le bouton rouge, eh bien, le capteur enregistre que vous avez appuyé sur le bouton rouge. Et il garde en mémoire cette information pendant un certain temps. Et donc, disent ces ouvriers, dans ces conditions-là, créer un accident, saboter en quelque sorte la production, devient excessivement difficile. Pourquoi? Parce que l'information est enregistrée. Ce que je fais est enregistré. Et donc l'ingénieur peut quelque part dispose d'une information qui lui permet d'avoir une clarté sur ce qui s'est passé. L'information n'était pas tout, mais elle fait clarté. Donc ce que je voudrais que vous retiez à travers cet exemple, c'est que l'évolution technologique a en quelque sorte redistribué les ressources en pouvoir. Auparavant, l'ouvrier détenait des ressources en pouvoir importantes parce qu'il contrôlait des zones d'incertitude pertinentes et que régnait autour de lui une certaine opacité. On ne savait pas très bien ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas. Et avec les technologies de l'information et de la communication, eh bien, elles ont fait disparaître ou elles ont amoindri cette zone d'incertitude pertinente contrôlée par les ouvriers. Et elles ont renforcé le pouvoir de l'ingénieur ou les capacités d'action de l'ingénieur. C'est comme si ici, à travers un dispositif technologique, j'avais accès à tout ce qu'il y a, pas tout ce qu'il y a, mais à ce que vous faites réellement avec vos ordinateurs. Un petit mot d'explication. Donc on peut considérer que la présence d'ordinateurs portables dans les auditoires, eh bien, redistribue une partie des ressources en pouvoir entre vous et moi. Le fait d'ouvrir son portable et de regarder son écran et le fait que le portable vous donne accès à toute une série d'informations autres que celles qui sont en lien direct avec le cours, eh bien, ça vous donne une ressource, ça vous permet de contrôler une zone d'incertitude. Et comme monsieur voulait lancer un boycott, eh bien, si vous êtes sur un même groupe Facebook, il pourrait très bien organiser le boycott tout en me regardant droit dans les yeux. C'est ce qui était conclu. Vous n'êtes pas convaincu? Parce que vous pourriez regarder des films en venant ici, ou être en discussion avec vos amis. Donc, l'université va doter les enseignants de drones qui pourront survoler les auditoires et aller se mettre derrière les étudiants dans leur dos pour voir ce qu'ils font réellement. Donc, c'est une relation de pouvoir. OK ? Donc, contrôler une zone d'incertitude pertinente pour le fonctionnement de l'organisation. Alors, ces zones d'incertitude, disposées critères, elles renvoient, et là on voit bien le poids de la bureaucratie ou le poids du modèle bureaucratique par rapport auquel ils ont réfléchi. Ils disent, voilà, dans une organisation, il est impossible de tout réglementer. Et là où ce n'est pas réglementé, eh bien, c'est des zones d'incertitude. Là où il n'y a pas de règles, on est face à une incertitude. D'une part, on est dans l'impossibilité de tout réglementer, donc de produire des règles pour gérer toutes les situations possibles. D'un autre côté, disposer et prévenir, il est aussi impossible de faire respecter à tout moment les règles qui ont été énoncées. Parce que vous, moi, nous ne connaissons pas toutes les règles. Et puis il y a des règles qui ne nous arrangent pas. Et donc si elles ne nous arrangent pas et qu'on peut faire des écarts par rapport à ces règles, on va sans doute les faire. En fait, pour réfléchir ça, je pense qu'un exemple simple, c'est le code de la route. Le code de la route, c'est un réducteur d'incertitude. Le fait qu'on dise que le code de la route dise que quand le feu est rouge, tout le monde s'arrête, eh bien, ça me permet d'anticiper le comportement probable des gens qui viennent à ma droite, qui viennent à ma gauche. Quand je rentre dans un carrefour et qu'il y a un feu, je peux anticiper. D'autant plus qu'on est obligé de connaître la règle pour avoir accès au permis de conduire. Alors, est-ce que tout le monde va s'arrêter quand le feu est rouge? On est dans un contexte où on va dire que la très grande majorité des gens vont le faire, mais qu'il y a toujours des gens qui sont distraits ou des gens qui ne vont pas voir, ou peut-être le feu rouge qui est caché par un camion. Et donc, même si la règle réduit très fortement l'incertitude, elle ne parvient pas à la faire disparaître à 100%. Donc, il y a cette idée-là qui est importante, le fait que la règle structure les zones d'incertitude. Et donc, disposer des critères que je propose d'en arrêter là pour la première heure du cours. Le bon fonctionnement d'une organisation, ça nécessite des règles, bien sûr, mais ça nécessite aussi qu'on ne prenne pas ces règles au pied de la lettre, qu'il y ait toujours une bonne volonté. Le petit plus dont il est question sur le slide, c'est ça renvoie à la bonne volonté des acteurs. S'il n'y a pas un minimum de bonne volonté, eh bien, les environnements bureaucratiques s'avèrent très vite des environnements excessivement tendus, des environnements excessivement conflictuels. Ça va pour ce qui concerne la zone d'incertitude ? Pour ce qui concerne les ressources au pouvoir, formelles, informelles. Oui. Et je vous propose alors de faire une pause.